Il y a 3 ans, quasiment jour pour jour, s'effondrait la flèche de Notre-Dame de Paris dans ce qui reste le seul incendie connu à ce jour par l'édifice bâti entre le XIIe et le XIVe siècle. Aussitôt se posait la question de rebâtir la cathédrale en respectant son histoire et ses matériaux. Depuis 2019, des équipes de recherche venues de tous les horizons se confrontent donc jour après jour à un puzzle archéologique et technique mettant toutes les sciences à l'épreuve. Et de ce chantier scientifique exceptionnel ont déjà émergé de nombreuses surprises qui, vous allez l'entendre, n'ont pas toutes la forme de sarcophages de plomb. Notre-Dame à cœur ouvert, c'est le chantier scientifique que nous entreprenons pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette recherche au secours de Notre-Dame, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maxime L'Héritier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, maître de conférences en histoire médiévale à l'Université Paris 8 et vous êtes responsable du groupe de travail Métal sur le chantier scientifique de Notre-Dame de Paris. Nous sommes également en ligne avec Dominique Garcia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes archéologue, historien, professeur à l'université d'Aix-Marseille et président de l'Institut National d'Archéologie Préventive, l'INRAP. Mais avant de détailler ce chantier scientifique, retour au flux présent. Elle s'est parée de son plus beau casque et de son gilet orange. Elle est notre contremaître dans le grand chantier de l'actualité scientifique. Il s'agit bien sûr de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour, bonjour Natacha. Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature qui annonce la découverte d'un nouveau phénomène astrophysique, les micronovae. Alors la nova, ça veut dire la nouvelle étoile parce qu'elle apparaît dans le ciel temporairement. On connaît les supernovae, l'explosion entière d'une étoile. On connaît les novae, qui sont des explosions moins violentes à la surface des naines blanches. Et on découvre à présent l'existence des micronovae, qui ne durent que quelques heures. Alors une équipe britannique a fait cette découverte par hasard en analysant les données du télescope spatial TESS. Ils ont repéré 3 naines blanches à 5000 années-lumière de la Terre qui s'illuminaient subitement avant de s'assombrir. Les chercheurs en déduisent qu'il s'agit d'explosions thermonucléaires à la surface de ces étoiles, beaucoup moins puissantes que les novae, mais sûrement plus fréquentes. On ne comprend pas exactement les mécanismes sous-jacents, mais nous avons des hypothèses. Jean-Pierre Lassota est directeur de recherche émérite au CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Il s'agit d'explosions thermonucléaires à la surface d'étoiles compactes qu'on appelle naines blanches, que nous avons observées sont magnétisées, elles ont un champ magnétique à leur surface. Ces naines blanches se trouvent dans des systèmes doubles, donc il y a un compagnon stellaire très proche qui perd de la matière qui est aspirée par l'attraction gravitationnelle de la naine blanche. Et cette matière, normalement, s'accumule à la surface de la naine blanche. Sauf que quand il y a un champ magnétique, elle ne peut pas s'accumuler n'importe où et n'importe comment. Sa trajectoire, quand elle tombe sur la naine blanche, est guidée par un champ magnétique. Et dans ce champ magnétique s'accumulent des genres de, on appelle ça des colonnes, on peut voir ça comme des fils ou des ficelles. Ces fils ou ces colonnes de matière s'accumulent, elles sont chaudes, elle est composée en majorité d'hydrogène et elle explose comme une bombe thermonucléaire. Et on connaît déjà depuis longtemps des explosions thermonucléaires extrêmement puissantes qu'on appelle des novae, rien à voir avec les supernovae, hein, attention. Alors ça, c'est dans le cas où une couche épaisse s'accumule sur toute la surface de la naine blanche et par le même mécanisme, cette explosion de telle couche produit ce qu'on appelle une nova. Alors ce que nous avons observé, c'est des explosions qui sont en échelle astronomique assez petites parce qu'elles sont qu'un 1/1000000ème d'énergie est libérée que dans celle d'une nova. Mais malgré tout, ça c'est suffisant pour être observé. Une nova est une explosion énorme, il y a une énorme éjection de toute la matière qui était accumulée. Une micronova, c'est une petite explosion par rapport à l'explosion de nova, c'est une explosion d'un fil de matière confiné par le champ magnétique. Oui, c'est-à-dire que pour la première fois, on voit que la fusion de l'hydrogène peut également se produire de manière localisée. Voilà, c'est la première fois qu'on voit ça, c'est exactement ça. Ça prouve uniquement qu'elles peuvent aussi apparaître dans des conditions très spéciales grâce au confinement par le champ magnétique. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que les suivantes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Une étude parue dans Science Advances décrit une nouvelle méthode de thérapie génique pour traiter des tumeurs cérébrales. Des neuroscientifiques américains ont inventé des nanocapsules qui peuvent délivrer in situ une thérapie génique basée sur CRISPR-Cas9. Ces ciseaux moléculaires ont ciblé le gène PLK1, le gène qui régule la croissance des cellules tumorales dans le glioblastome, le cancer cérébral le plus fréquent chez l'adulte et le plus meurtrier. Les chercheurs ont encapsulé CRISPR-Cas9 dans des nanocapsules en polymère non toxique et l'ont testé sur des souris atteintes de tumeurs cérébrales. La nanocapsule est parvenue à franchir la barrière hémato-encéphalique et la croissance tumorale aurait été stoppée. Selon les auteurs, ce système d'administration de CRISPR-Cas9 pourrait être utile dans d'autres maladies du cerveau. En bref toujours, une étude parue hier dans la revue Nature Astronomy élucide le mystère de la rotation lente de Vénus. Et malgré l'attraction gravitationnelle du Soleil, la planète tourne sur elle-même. Alors certes, lentement, une journée sur Vénus dure 243 jours, mais elle tourne. Elle est proche de la limite de verrouillage des marées, ce qu'on observe par exemple avec la Lune, qui orbite autour de la Terre, mais avec toujours la même face orientée vers nous. Mais alors pourquoi Vénus tourne ? Selon ce chercheur californien, c'est grâce à son atmosphère très dynamique. La puissante atmosphère dense et rapide de Vénus affecte même la vitesse de rotation. Sans elle, Vénus ferait toujours face au Soleil. Et enfin, selon une étude parue hier dans la revue Nature, les plumes seraient apparues plus tôt que nous ne le pensions. Oui, bien avant l'apparition des premiers vertébrés volants. Une équipe irlandaise a analysé un fossile de ptérosaure de l'ère mésozoïque, vieux de 113 millions d'années. Tupandactylus imperator possède des plumes sur son crâne. Au microscope électronique à haute résolution, les chercheurs ont observé des mélanosomes de différentes formes. Ces morceaux de cellules sont étroitement liés à la pigmentation. Ces plumes devaient donc être multicolores. Elles proviennent probablement d'un ancêtre commun aux ptérosaures et aux dinosaures, il y a environ 250 millions d'années. Avant d'être utiles pour le vol, ces plumes ont peut-être d'abord joué un rôle pour la thermorégulation ou peut-être pour la communication visuelle de ces animaux, le camouflage ou les parades sexuelles. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain en direct et en public au Festival du Livre de Paris. Cette fois je ne me suis pas trompé de date et ce sera pour le Journal des Sciences. Tout ce qui est mort comme fait est vivant comme enseignement. Les mots de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris n'auront jamais été aussi vrais que depuis l'incendie de la cathédrale survenu le 15 avril 2019. Après les flammes et la cendre, un phénix de connaissance renaît patiemment des décombres avant que ne débute la restauration et la reconstruction de Notre-Dame. Depuis 2019, une cinquantaine d'équipes scientifiques et plus de 200 chercheurs s'activent pour éclairer d'un jour nouveau la longue histoire de l'édifice, mais aussi pour lui redonner son lustre d'antan. Nous assistons donc à un moment fort pour la recherche française dédiée au patrimoine et qui a connu l'un de ses points culminants il y a quelques semaines avec des découvertes un peu spectaculaires. Il vient d'être retrouvé sous la nef de Notre-Dame de Paris. Ce sarcophage en plomb daterait du XIVe siècle. Et c'est incroyable, il est quasi intact. On a pu faire passer une caméra endoscopique à l'intérieur qui a permis d'identifier des restes de tissus. Les archéologues ont même retrouvé des traces de végétaux. Le fait que ces restes végétaux soient encore là présage d'une excellente qualité de conservation du défunt, comme de ses habits et éventuellement des objets qui lui sont associés. Ce pourrait être la sépulture d'un haut dignitaire. Plus de 120 mètres carrés sont fouillés. Des fouilles diligentées avant de mettre en place sur cette zone un échafaudage de 600 tonnes. Il permettra la reconstruction de la flèche de Notre-Dame, détruite dans l'incendie il y a près de 2 ans. Et puis, il y a aussi cette autre découverte historique. Des fragments de l'ancien jubé. Le jubé, c'est une plateforme qui surplombe généralement l'autel et qui ferme souvent le chœur. Il avait été construit en 1230, détruit au début du XVIIIe siècle. Lors de sa restauration de la cathédrale au XIXe siècle, l'architecte Eugène Viollet-le-Duc avait déjà retrouvé d'autres fragments. Ils sont aujourd'hui exposés au musée du Louvre. Des trésors d'exception, les archéologues espèrent en découvrir d'autres. Les fouilles doivent se poursuivre jusqu'au 25 mars. Voilà pour ces trouvailles spectaculaires et récentes sous le sol de Notre-Dame de Paris, Dominique Garcia. Et quelque chose d'aussi intéressant peut-être dans cette archive, c'est que il est fait mention de Viollet-le-Duc et de ses trouvailles au XIXe siècle. C'était pas du tout les premières fouilles qui ont été réalisées dans le sous-sol de Notre-Dame de Paris, ces fouilles récentes et dues à l'incendie. Oui, bien évidemment, les fouilles qui sont réalisées aujourd'hui ne sont que la suite d'opérations menées depuis le XVIIIe siècle. En fin de compte, tout monument qui est construit ou restauré livre des vestiges plus anciens. Pour le cas de Notre-Dame de Paris, on peut citer la découverte en 1711 de ce qu'on appelle le pilier des notes qui est aujourd'hui présenté au musée de Cluny, qui est un monument extraordinaire. Il s'agit d'un monument romain, un pilier de 5 mètres de haut qui représente une série de blocs avec des figurations de personnages romains, d'armes, etc. Et ce pilier des notes a été financé par une confrérie, les notes de Paris, donc des personnes qui faisaient commerce de la navigation sur la Seine. Il est dédié à Tibère. Donc ça, c'est une fouille en 1711, une découverte fortuite qui est aujourd'hui largement valorisée. On vient d'évoquer Viollet-le-Duc, qui dans les travaux de restauration au XIXe siècle a lui également réalisé des découvertes archéologiques, dont certaines sont conservées au Louvre. On reparlera du jubé tout à l'heure. Et puis peut-être la fouille la plus importante réalisée jusqu'à nos jours dans le secteur de Notre-Dame, c'est dans les années 1960, où le conseil municipal de Paris décide de l'aménagement d'un grand parking dans le secteur de Notre-Dame, devant Notre-Dame, ce qu'on appelle le parvis. Et donc les fouilles préalables à l'aménagement de ce parking des années 1962 aux années 1975 livrent des vestiges de l'Antiquité, un élément du quai romain, des éléments de terme, donc des bains publics romains, mais également des vestiges médiévaux et modernes. L'ensemble, une partie de ces vestiges sont encore conservés dans ce qu'on appelle la crypte, qui est un musée de France placé devant Notre-Dame de Paris. Et puis, donc, il y a les fouilles récentes qui, elles, sont liées directement à l'incendie du 15 avril 2019. Et où la loi du 29 juillet 2019 qui organise la restauration et la reconstruction de Notre-Dame de Paris, dans son article 11, dit qu'il doit y avoir des fouilles préventives en préalable à la restauration et à la conservation de Notre-Dame de Paris. Donc un monument qui livre en lui-même des richesses anciennes dès qu'on prend soin de lui, dès qu'on l'aménage, dès qu'on le restaure, dès qu'on reconstruit une partie. Viollet-le-Duc, je crois, dans son journal, même au XIXe siècle, disait qu'il y avait des rigoles, des murs dans tous les sens. C'est pas si étonnant que ça, Maxime L'Héritier, puisque, étant donné la situation géographique de Notre-Dame, c'est vraiment le cœur de Paris et c'est son cœur historique. Donc c'est une espèce de boîte de Pandore qu'il faut ouvrir un petit peu avec parcimonie, mais qui recèle naturellement des trésors. Alors effectivement, hein, là on a mentionné les vestiges romains notamment, il faut aussi restituer les anciens édifices qui ont précédé Notre-Dame de Paris, hein, l'édifice paléochrétien, l'édifice mérovingien, carolingien, qu'on connaît encore très mal, même la cathédrale romane, hein, est relativement mal connue. Ce sont uniquement ces fouilles archéologiques où, comme vous le dites, dès qu'on fouille, on est à peine sous le sol, hein, il suffit de voir les vestiges qui ont été sortis là au niveau de la croisée, on est juste sous le sol et on a une richesse exceptionnelle. On est en plein centre de Paris, Notre-Dame est là, mais il n'y a pas que Notre-Dame, hein, dans son contexte, et l'apport de l'archéologie est ici fondamental pour comprendre ces sociétés passées. Mais justement, on va en arriver à présent à ces fouilles préventives, à ces fouilles récentes et aux trésors mis au jour. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Dominique Garcia, on a fouillé à un endroit un petit peu particulier dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Pourquoi est-ce qu'on a fouillé à cet endroit précis, sous la flèche ? Expliquez-nous un petit peu pourquoi on n'a pas pu fouiller partout sous le sol de Notre-Dame. Alors, on a fouillé à tous les endroits sur prescription de l'État, donc de la DRAC, où il y avait des risques pour le patrimoine. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de transformer Notre-Dame de Paris en site archéologique, mais bien de protéger les vestiges en les fouillant chaque fois que les travaux actuels pouvaient les endommager. Donc, il y a eu des fouilles dès le début de l'opération de reconstruction de Notre-Dame, avec d'ailleurs une originalité venue de la volonté du prescripteur de l'État de fouiller les niveaux d'effondrement. C'est-à-dire qu'on a à la fois fouillé les parties qui étaient effondrées, et Maxime nous en parlera précisément tout à l'heure, les parties enfouies, mais également des éléments d'architecture. Donc une archéologie globale qui reprend tout ce qui peut permettre d'enrichir l'histoire du site, mais également sa reconstruction. Les fouilles récentes à la croisée du transept, c'est l'endroit en fin de compte où la voûte sur laquelle était placée la fameuse flèche de Viollet-le-Duc s'est effondrée. Donc c'est un espace d'environ 100 mètres carrés, la partie sans doute la plus abîmée de Notre-Dame suite à l'incendie du 16 avril. Et donc on a voulu mettre en place une fouille dans ce secteur-là, parce que va être reconstruite la voûte et réaménagée la flèche, et pour cela va être placé un grand échafaudage de 100 mètres de haut, environ 700 tonnes, et donc cet échafaudage doit reposer sur des éléments solides, et il fallait pour cela rassurer la maîtrise d'ouvrage et le maître d'œuvre, et savoir ce qu'il y avait aux endroits où devait être posé l'échafaudage. Donc, comme ça vient d'être précisé, la fouille, en fin de compte, a été pratiquée tout de suite, dès que les niveaux de sol, le carrelage a été enlevé, puisqu'on retrouve à la fois des vestiges des aménagements de Viollet-le-Duc, notamment des grandes conduites mises en place par Viollet-le-Duc pour chauffer la cathédrale. Oui, des canalisations dans le sol de Notre-Dame. C'est des canalisations d'air chaud placées par Viollet-le-Duc dans le but de chauffer Notre-Dame. Et lui-même, donc, quand il a fait placer ces canalisations, a détruit certains vestiges, mais en revanche, certains étaient conservés. Donc des sépultures, on les a évoquées, on en reparlera, des éléments d'architecture apparaissent dans ces niveaux-là, on a même trouvé des éléments stratifiés, on parlait tout à l'heure d'incendie, il y a les marques d'un incendie probablement au début du Moyen-Âge qui apparaît en stratigraphie. Vers 1218, je crois, c'est au début du XIIIe siècle. Voilà, c'est ça. Pour le moment, on le met en relation. Il y a un niveau de cendre, et puis on le met effectivement en relation avec cet incendie du début du XIIIe siècle. Et puis apparaissent donc deux lots d'objets, de documents intéressants. Un des sépultures. C'est quelque chose d'assez classique dans une cathédrale de découvrir des sépultures. On sait qu'à Notre-Dame de Paris, il y a environ 400 personnes qui ont été inhumées. Mais on est là dans un endroit privilégié, donc à la croisée du transept, où on peut penser qu'il s'agit de dignitaires de haut rang qui ont pu être placés dans cet espace, d'où l'attention particulière portée dans ce secteur. On peut peut-être décrire l'un de ces sarcophages de plomb, celui qu'on a présenté comme le sarcophage de plomb. Pourquoi est-ce que immédiatement il a suscité un tel intérêt et comment il a été scruté, analysé avant d'être étudié plus en profondeur comme c'est le cas en ce moment? Alors les choses sont en cours. Alors effectivement, les archéologues de l'INRAP sous la direction de mon collègue Christophe Beignet ont mis au jour une série de sépultures, des sépultures en pleine terre qui ont été immédiatement fouillées, des sépultures dans des coffres en pierre ou en plâtre qui, elles, ont été fouillées dès qu'elles risquaient d'être endommagées. Et puis, plusieurs sarcophages en plomb, dont un parfaitement conservé, mais qui, lui, pouvait être détruit par les travaux d'aménagement. Donc, il a été déposé, c'est-à-dire on l'a prélevé. Il s'agit d'une structure d'environ 1,95 m de long, d'une cinquantaine de centimètres de large, de près de 200 kg, donc qui a été prélevé, qui actuellement est en voie de transfert vers l'Institut médico-légal de Toulouse, où une équipe de l'université du CNRS, l'UMR-AMIS, va réaliser des études complètes avec l'INRAP de cette sépulture. Et l'intérêt aussi de ce sarcophage. Voilà, oui. venons-en un petit peu à ça, parce que ce sarcophage de plomb, il y avait 3 trous qui étaient percés dans le coffre finalement. Ça a permis de passer une caméra. Qu'est-ce qu'on a vu? Et là, ça a été quand même malgré tout une petite surprise. Alors voilà, l'intérêt, c'est qu'on dépasse la fouille de la tombe en tant que telle. On a des vestiges qui sont bien conservés, qui sont de plusieurs natures, des vestiges bien datés. La sépulture est au moins du 14e siècle. Et la caméra montre qu'il y a de la matière organique sèche, il y a des cheveux, il y a des tissus avec des éléments brodés. Il y a des végétaux, probablement que la tête repose sur un coussin de végétaux, probablement du buis. Donc en fait, l'étude qui va être menée va être complète. D'abord, on va s'intéresser au défunt, connaître son sexe, l'âge au décès, ses pathologies éventuelles, reconnaître son ADN, essayer d'approcher au mieux son identité. Et ensuite, on va étudier ce qu'il y a autour, ce qui l'accompagne, les vêtements qu'il portait, en espérant en connaître plus sur ses fonctions, éventuellement faire des prélèvements d'écofacts liés au pollen, liés aux éléments végétaux, qui nous renseigneront un peu plus sur les pratiques rituelles, les pratiques funéraires, mais également l'environnement dans lequel vivait ce personnage. Donc, on est là dans une approche précise, globale. D'ailleurs, c'est la même équipe qui va travailler sur cette sépulture, qui avait étudié Louise de Quingot, cette noble bretonne fouillée dans le couvent des Jacobins à Rennes il y a quelques années par l'INRAP, dont la publication vient de paraître, et on voit tout ce que peut apporter une étude globale de d'une sépulture. Maxime Héritier, ce qui est fascinant, c'est que voilà, on fait cette découverte, un sarcophage, et puis tout d'un coup, on voit toutes les ramifications scientifiques et de recherche qui s'ouvrent, avec non seulement des recherches en génétique ancienne, mais aussi des recherches plus de l'ordre de la culture, l'archéothanatologie, qui est une discipline assez récente, qui étudie les traditions des rites funéraires. Là, on va avoir accès aussi à des indications sur comment on enterrait nos morts au XIVe siècle, quand c'était d'éminentes personnes, puisque tout le monde n'avait pas la chance d'être enterré comme cette personne. C'est ça aussi tout le sel de ces recherches réalisées en ce moment à Notre-Dame. Oui, effectivement, ce qui a été insisté là par Dominique Garcia, c'est le côté complet de ces recherches, et c'est ce qu'on va retrouver du monument en fait jusqu'à ces fouilles. Et c'est ça qui est passionnant dans ce chantier scientifique, archéologique, qui se déroule depuis 3 ans sur l'édifice, c'est de pouvoir appréhender l'ensemble de ces problématiques que vous avez abordées, mais d'autres sur par exemple la circulation des matériaux, ce sarcophage de plomb qui résonne aussi avec le plomb qui en œuvre dans l'édifice. Bref, il y a plein de questions et le fait sur l'ensemble des matériaux, sur la structure de l'édifice, son sous-sol, on s'en rend compte aujourd'hui encore de manière plus prégnante et je crois que c'est quelque chose qui... Enfin, on peut le souligner, ça a été dit, mais c'est assez exceptionnel en fait dans le champ du patrimoine, de la culture, d'avoir une appréhension globale de ces problématiques et un chantier scientifique piloté par le CNRS, le ministère de la Culture, les collègues archéologues de l'INRAP aussi qui sont dedans, le service régional de l'archéologie. Bref, c'est du jamais vu, un chantier de cette envergure-là qui regroupe autant de disciplines différentes et autant de spécialités qui vont converger et qui vont dialoguer. C'est effectivement du jamais vu, et donc je pense qu'on peut en féliciter les institutions qui ont porté ces choses-là et puis l'élan des chercheurs qui se sont portés vers ces différentes problématiques. Et donc, on va en parler dans la suite de l'émission, mais la connaissance d'un édifice gothique, de son sous-sol jusqu'au plafond, et en plus d'un édifice gothique comme Notre-Dame, qui était relativement méconnu, comparé à d'autres grandes cathédrales qui avaient fait l'objet de plus d'études, eh bien, va s'en retrouver considérablement augmenté, et même pouvoir nourrir d'autres champs de recherche. Et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est qu'on va du climat, à la datation, au rite funéraire... Oui. Et tout ça est porté de manière collective et c'est assez passionnant. Dominique Garcia, on poursuit avec ces trouvailles archéologiques. On a parlé de ce sarcophage de plomb, de ces sépultures. On peut parler aussi du jubé, qui est aussi peut-être la grande découverte qui a été réalisée, qui est peut-être moins mise en avant médiatiquement, mais qui pour les archéologues a un intérêt fou et particulièrement émouvant, je crois. Oui, c'est effectivement un élément, une découverte qui est émouvante, riche d'un point de vue de l'histoire et de l'histoire de l'art. Donc ce jubé qui date de 1230 est en fin de compte une construction qui séparait le transept du chœur au début du Moyen-Âge. Donc les fidèles qui étaient dans la nef ne voyaient pas les officiants dans le chœur et ils étaient séparés par cette construction, ce jubé, une sorte de portique historié. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'était toute une série de sculptures de grande qualité de la période gothique. Et ce jubé a été détruit sous Louis XIV, en lien en grande partie avec un changement de rituel. Détruit parce que l'usage du jubé était obsolète. Oui, au passage, c'est intéressant parce que ça témoigne de rapports au patrimoine et au patrimoine matériel très différents du nôtre. Nous, on l'aurait évidemment mis de côté, mis dans un musée. À l'époque, ils l'ont détruit en respectant, je crois, plutôt quand même la structure, mais en l'enterrant quand même sous le sol. Ça, c'est assez intéressant, cette évolution du rapport au matériel. Exactement, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait à la fois le fait de faire vivre et de faire évoluer les rites avec la destruction du jubé, mais en revanche, probablement un certain respect des pièces, vu qu'il y a une fosse qui a été aménagée devant le chœur et dans laquelle étaient placés les fragments du jubier. Certains secteurs du jubé sont encore conservés de part et d'autre du chœur. Certains fragments avaient été retrouvés par Viollet-le-Duc et sont conservés au musée du Louvre, 6 à 8 pièces, donc quelques fragments. Et là, les archéologues de l'INRAP en ont trouvé plusieurs centaines. Et donc, c'est pas des petites pièces, hein. C'est pas des petites pièces. Il y a des pièces qui pèsent jusqu'à 400 kilos de ce que j'ai vu. Voilà, c'est ça. On a des fragments qui sont très importants, des représentations humaines plus petites que nature, mais de belles factures, qui ont toutes conservé leur polychromie, à la différence des fragments découverts anciennement. Donc, il y a des couleurs extrêmement tranchées, des détails sur le visage qui apparaissent, les couleurs des yeux, les tissus avec du plaquage d'or, donc de la sculpture gothique de belle facture, avec des éléments de fraîcheur quant à la polychromie, qui vont permettre dans les études, dans les semaines qui viennent, d'en savoir plus sur les techniques de taille de sculpture, mais également sur les pigments utilisés, et plus généralement de restituer ce jubé qu'on avait oublié. Il est représenté sur quelques gravures, mais sans doute de façon erronée ou du moins symbolique. Mmh. Là, on va pouvoir, ou en 3D, ou peut-être en vrai, essayer de restituer ce jubé. Donc on voit que l'incendie de Notre-Dame révèle une pièce majeure de la cathédrale gothique, et que cette fouille est en fin de compte une première renaissance. Mmh. Avec une première découverte, elle révèle des vestiges qui étaient totalement inconnus, et donc sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement public Notre-Dame, on a là une première renaissance, une première action forte de la restauration de l'édifice. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça intervient dans un petit périmètre de Notre-Dame. C'est pas la totalité de Notre-Dame qui a été fouillée, je le rappelle. Alors là, on en vient à l'un des principes de l'archéologie et de l'archéologie préventive, c'est que c'est une école de la frustration et qu'on peut pas fouiller partout. Est-ce que on a des techniques quand même de radiographie ou de choses comme ça qui peuvent nous permettre de voir un petit peu ce qu'il y a sous ce sol qui n'a pas été fouillé, Dominique Garcia? Alors, on n'a pas tout, mais le service régional de l'archéologie, Dorothée Chaouy-Derieux et Stéphane Deschamps, son directeur, ont souhaité, dès le départ, profiter du fait que la cathédrale soit vide, de fait, pour réaliser des prospections électromagnétiques et géoradar. Donc l'INRAP a réalisé cette enquête sur tout le sous-sol. Ça a permis de retrouver les limites du rempart du Bas-Empire, de limiter les observations dans certains secteurs où on sait qu'il n'y a rien, et pour d'autres de pointer la richesse des sous-sols. Alors il y a toujours effectivement, et la presse parfois l'évoque aujourd'hui, une petite frustration en disant on ne fouillera pas tout. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de fouiller bien, de ne pas retarder les travaux d'aménagement, d'être conscient qu'on est là dans une entreprise un peu plus vaste, et pour les archéologues, de faire au mieux dans les secteurs où ils interviennent, en sachant que certains vestiges seront probablement conservés dans le sous-sol et seront fouillés plus tard par d'autres générations de chercheurs avec d'autres techniques. Donc, tout fouiller n'avait pas de sens. Et aujourd'hui, ce qui est fouillé, fouillé bien, en équipe, en collaboration, comme le disait tout à l'heure Maxime, et c'est ça qui a du sens. C'est vrai que les délais ne sont pas les mêmes. On parle de 2000 ans d'histoire pour le site de Notre-Dame et de 3 ans de travaux scientifiques contraints aussi par l'actualité, par les techniques, par la sécurité. Enfin bon, après avoir regardé en tout cas ce qui se trouvait sous ce sol de Notre-Dame, on va parler dans quelques instants de ce qui est tombé sur le sol, du métal, du bois, de la pierre, qui sont analysés finement par de nombreuses équipes scientifiques pour reconstituer toute l'histoire de la construction de la cathédrale. Restez avec nous, ce sera juste après ça. Le jongleur de Notre-Dame par la légende François de Roubaix dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure du chantier scientifique de Notre-Dame de Paris, aussi bien tourné vers le passé que vers le futur de la cathédrale. Nous en parlons avec Maxime L'Héritier, archéologue, maître de conférences en histoire médiévale à l'université Paris 8, responsable du groupe de travail métal sur le chantier scientifique de Notre-Dame de Paris. Avec nous également Dominique Garcia, archéologue, historien, professeur à l'université d'Aix-Marseille et président de l'INRAP. Alors on parlait juste avant la musique des fouilles préventives dans le sous-sol de Notre-Dame, mais d'autres travaux de recherche tout aussi riches et multiples sont menés sur ce qui est tombé lors de l'incendie, des débris de métal, de pierre, de bois, de verre. Maxime L'Héritier, il y a de très nombreux travaux d'analyse sur ces matériaux eux-mêmes. De façon générale, de quelle nature au pluriel sont ces débris et quelles techniques collectives vont être mises en place si tant est qu'il y ait des techniques communes à l'analyse de la pierre, du bois, du fer, du verre? Alors, on va déjà préférer parler de vestiges plutôt que de débris. Et ça, ça a été une des premières étapes des collègues archéologues. Dominique Garcia citait tout à l'heure le service régional de l'archéologie, et notamment Dorothée Chaouy-Dorieux, Stéphane Deschamps, qui ont œuvré pour qu'il y ait une fouille sous le sol, mais il y a eu également une fouille des vestiges qui étaient tombés des parties hautes sur le sol de la cathédrale. Une fouille archéologique dans des moyens dans des conditions qu'on peut imaginer, de dangerosité, et d'environnement pollué au plomb, etc. Et donc c'est vraiment ce travail préalable. Donc ces vestiges, ils sont de nature, il y a des bois, des pièces de bois, de la charpente carbonisée, mais ensuite parfois seulement en surface, des pièces de métal, bien sûr, et un grand nombre de pierres. Et des gravats aussi, je vous le concède, qui ont des formes plus difficiles ensuite à appréhender. Mais donc il y a beaucoup de matériaux, et c'est vraiment cette fouille archéologique qui a été faite avec un corroyage, avec des passes successives qui permettent une numérotation des éléments, un grand nombre de clichés qui, l'ensemble ayant vocation à être mis dans un modèle numérique de la cathédrale et sur des bases de données collectives qui puissent être à l'utilisation des chercheurs, mais aussi du public in fine. permettent ensuite de retrouver presque la place hein, de ces matériaux quand ils ont été trouvés au sol et de pouvoir ainsi comme ça pouvoir les raccrocher à leur position éventuelle dans le bâti. Parce qu'il y avait plusieurs amas dans le transept, dans la nef, dans la croisée hein, qui faisait correspondait aux trois grands effondrements. Et donc c'est ce travail préalable hein, qui a permis également la fouille de tout ce qui était sur les voûtes, hein, qui a eu lieu à peu près dans des conditions similaires. Et c'est tout ça qui permet aujourd'hui, ben, par exemple, aux collègues qui travaillent sur le bois, tous les bois, ils ont été numérotés, inventoriés, photographiés sur place au moment où ils étaient descendus. Et aujourd'hui, ils sont tous dans un entrepôt qui est accessible pour les chercheurs depuis, sous la garde du service régional de l'archéologie, qui est accessible depuis le début de l'année à peu près 2022, hein, donc vous imaginez 2 ans et demi après l'incendie, c'est un travail qui a pris énormément de temps, mais l'inventaire est désormais présent et les chercheurs peuvent commencer vraiment à travailler sur le matériau, comprendre les assemblages, les datations des pièces et la façon dont tout ça va permettre ensuite de comprendre comment ce matériau est arrivé à Notre-Dame, ouais. D'où il provenait, comment on l'a travaillé. C'est finalement une résurrection aussi d'un paysage médiéval grâce à ces infimes vestiges, ou en tout cas ces débris qui sont tombés, pardon, ces vestiges qui sont tombés. Et voilà, et parmi, alors quand on pense cathédrale gothique, l'imaginaire collectif va penser vitraux, va penser pierre, va penser bois, parce que la charpente de Notre-Dame, elle était quand même légendairement connue comme étant la forêt, avec ses 2000 chênes, enfin en tout cas ces 2000 pièces qui ont été, qui ont conçu cette charpente-là. Il y a un élément en tout cas qui est moins connu, mais qui est tout aussi passionnant, c'est le fer, c'est votre spécialité. Est-ce que vous vous attendiez à trouver autant d'éléments, et quels sont ceux qui vous ont le plus sauté au visage quand vous êtes allé sur le chantier? Alors effectivement, ça a été une des découvertes du chantier de Notre-Dame, ça a été l'importance de l'utilisation par les bâtisseurs du XIIe, du XIIIe siècle, mais dès les premières campagnes du XIIe siècle, en fait, en dehors finalement de l'emprise des travaux de restauration actuels, de l'importance du fer dans cet édifice. On avait beaucoup travaillé jusqu'ici sur des édifices du XIIIe siècle, commencé dans les années 1200-1210, qui commençaient à utiliser ce matériau dans leur structure, je pense à la cathédrale de Bourges, à la cathédrale de Beauvais par exemple, mais Notre-Dame n'a jamais fait d'études, et c'est une cathédrale d'une période légèrement antérieure. C'est 1160, et, je crois. On est dans les années, au milieu du XIIe siècle, avec une construction qui perdure, hein, elle est encore en chantier au début du XIIIe siècle, hein, bien sûr. Ça a pris 185 ans, quand alors ça dépend ce qu'on prend comme borne, au début et à la fin, mais il y a quand même une centaine d'années de travaux importants, et donc on se rend compte aujourd'hui à la lumière qu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. C'est-à-dire qu'on a découvert des séries d'agrafes au sommet des murs sous la charpente incendiée. Donc c'est malheureux, mais sans l'incendie de la charpente, on n'aurait pas pu découvrir ces séries d'agrafes et donc de comprendre la place que les bâtisseurs ont souhaité accorder à ce matériau pour essayer de stabiliser les structures tout au long de leur élévation. On en trouve dans les parties basses, dans les tribunes, au-dessus des grandes arcades, et on trouve également des agrafes pour tenir un certain nombre de colonnettes. On parle de cet élancement, on a des fûts de colonnettes qui font parfois 4 mètres de haut, et bien tous ces éléments sont raccrochés par des agrafes à la maçonnerie. Bref, on a des choses masquées, le fer est souvent masqué, et à tel point qu'on parfois on ne sait pas encore qu'il est là avant des travaux de restauration, et donc c'est véritablement ça a été une découverte, de voir qu'on a les bâtisseurs ont utilisé du métal aussitôt dans le premier très grand édifice gothique. Parce que c'était la plus haute, Notre-Dame. C'était la plus haute. Et donc, dans les édifices précédents, eh bien, on n'a pas encore perçu la part de ce matériau. Donc, il y a il y a d'autres prouesses techniques, hein, qui sont mises avec des perfectionnements dans les voûtes, qui restent encore aujourd'hui à comprendre. Et nos collègues qui travaillent sur la pierre, sur la structure, s'y attachent actuellement sur le cas de Notre-Dame notamment. Mais l'intégration du fer comme matériau qui va permettre, d'empêcher les écartements de maçonnerie par des séries d'agrafes, de tirants ou de chaînages. À Notre-Dame, c'est plutôt des agrafes qui sont employées. Les chaînages, ils font partie des restaurations du 19e siècle, notamment, mais ils viennent remplacer, en fait, les systèmes d'agrafes pour partie qui étaient déjà présents. Alors, justement, ces agrafes, quand vous les avez en main, quelles questions vous vous posez, et puis à quelles analyses vous allez les soumettre? Alors, une des premières questions, c'est la question de la datation. Mmh. C'est de savoir, est-ce qu'on a un matériau qui est contemporain de la structure dans laquelle elle se trouve. Et donc, on sait depuis quelques années, c'est des travaux qui sont menés en collaboration entre deux laboratoires, hein, le laboratoire archéomatériaux et prévision de l'altération, dirigé par Philippe Dillmann, et celui du laboratoire de mesure sur le carbone 14. Donc, l'alliance de connaître la structure du matériau et de savoir réaliser des datations. Les alliages ferreux anciens, ce sont des alliages qui sont, j'ai étudié alliages, hétérogènes par leur nature, parce que quand on fabrique du fer au Moyen-Âge, on fabrique du fer à l'état solide et on va avoir quelque chose d'hétérogène. On n'atteint pas les températures de fusion, donc on a des matériaux hétérogènes où il y a souvent du fer et de l'acier. Et l'acier, c'est un alliage de fer et de carbone sous forme de carbure de fer. Parfait pour la datation. Et parfait pour la datation. Donc on sait aujourd'hui aller chercher ce carbone qui est contenu dans les zones acierées des matériaux pour en faire ensuite, donc se séparer du fer, extraire uniquement le carbone et le soumettre à une datation radiocarbone et pouvoir dater la période de production du matériau. Et donc on a pu déterminer que les agrafes des tribunes du XIIe siècle, celles des murs goutreaux au sommet du XIIIe siècle, eh bien elles sont bien contemporaines de ces phases de construction et qu'on emploie bien ce matériau dès l'origine de la construction de Notre-Dame. Une première surprise. Et ça, c'est une surprise, ouais. c'est une découverte du chantier de restauration. Est-ce qu'on peut avoir alors je crois qu'il y a aussi une autre surprise, c'est que ces agrafes, elles sont un peu composites, elles ont des traces ou des marques de soudure. Qu'est-ce que ça nous dit aussi du rapport des artisans du Moyen-Âge à ce travail du fer? Alors ça, c'est une deuxième question qu'on va pouvoir se poser. Une fois qu'on sait que le matériau, il est bien d'époque, c'est de savoir comment il est arrivé jusqu'ici et comment il a été fabriqué pour être mis en œuvre. Et donc, je le disais, les fers anciens, les alliages ferreux sont extrêmement hétérogènes. Si on a deux pièces de fer, qu'on va en faire une plus grosse, on est obligé de les souder. Et on retrouve, en faisant une section métallographique, une observation au microscope, on arrive à voir la trace du travail du forgeron et toutes les impuretés qui restent dans le matériau. Et donc une des questions, c'est de savoir si ces soudures, elles sont liées parce qu'on a recyclé des pièces de fer qui auraient été disponibles d'anciennes structures, et donc pour assembler ces pièces de fer, on est obligé de les souder, ou si au contraire on est en train de mettre en évidence le fait que on a des approvisionnements de fer de petits modules qui viennent d'un petit peu partout. Et ça, c'est une autre découverte qu'on a, c'est qu'à Notre-Dame, les impuretés qui sont présentes dans la matrice de ces fers anciens, elles permettent d'aller rechercher la provenance du matériau. C'est fou, donc on a l'origine géographique aussi du matériau. On peut avoir l'origine géographique, ou en tout cas comparer les origines géographiques. Et là, on sait que quand on a deux pièces de fer qui ont été soudées ensemble, si on compare la composition chimique des impuretés, on va utiliser des procédés avec de la spectrométrie de masse, avec un laser, c'est des impuretés qui sont centaines de micrométriques en quelque sorte, et avec un laser on va aller pulvériser cette matière, on va l'analyser dans des spectromètres de masse et déterminer une signature chimique. Et qu'en comparant les signatures chimiques, on se rend compte que sur une agrafe de fer, il y a plusieurs provenances distinctes, et sur toutes les agrafes de fer, il y a des provenances distinctes à chaque fois, ce qui veut dire que le fer, il vient de partout. Alors aujourd'hui, je ne sais pas encore vous dire si c'est du recyclage et c'est de l'opportunisme. Mmh. Ça pourrait paraître bizarre sur un des chantiers qui est probablement le plus riche du Royaume de France à cette époque-là. Mais on sait que ce recyclage était pratiqué sur ces chantiers. Peut-être pas dans cette ampleur-là. Ou alors, si c'est vraiment le marché du fer, on est en train de mettre en évidence des spécificités du marché du fer sur la place parisienne à cette époque. Et ça, c'est des travaux qu'on espère poursuivre avec un doctorat qui pourra se poursuivre sur cette question, et les recherches qui vont se poursuivre lors de la phase de restauration qui va s'entamer. Et on en revient vraiment à ce constat tout à l'heure, c'est que ce chantier de fouilles, il ouvre des perspectives de recherche immenses. Là, à partir d'agrafes de fer, on peut faire de la socio-économie du Moyen-Âge et du fer au Moyen-Âge. Ça, c'est absolument fascinant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, le fer en général dans les cathédrales, il est un petit peu caché. Est-ce qu'on peut imaginer que dans la partie heureusement qu'il reste debout de Notre-Dame, il y a un grand squelette en fer, et que c'est ce qui expliquerait que ça a été, en son temps, la cathédrale la plus haute de France? Bah, ça fait partie aussi des découvertes du chantier de restauration à venir. Hein, on se rend compte hein, sur nombreux chantiers, quand on retire une pierre, eh bien parfois il y a des agrafes métalliques. C'était le cas à la basilique de Saint-Denis il n'y a pas longtemps. On ne connaissait pas l'échainage avant les chantiers de restauration. Donc là, Notre-Dame également. Donc ça fait partie des enjeux également des années de recherche qui viennent, parce que là, on est au milieu du guet, en quelque sorte. On a des premiers résultats, mais on a envie d'en savoir davantage et donc d'aller mieux découvrir les différentes étapes de ce squelette de fer également et de cette construction de Notre-Dame, parce qu'on a toujours sous les yeux, on a un édifice qui est construit, fini, achevé, bon, en restauration certes aujourd'hui, mais on a toujours du mal à se projeter sur eh bien les différentes phases de construction d'un édifice qui a été inachevé pendant près d'un siècle et donc ça, ces enjeux chronologiques dont on parlait tout à l'heure, on est aussi en train aujourd'hui, grâce à l'étude sur les bois, la datation des charpentes, grâce à l'étude des techniques sur la pierre et la façon de monter les voûtes, par exemple, grâce aux datations sur le métal, de relire un petit peu la chronologie de Notre-Dame de Paris. Et ce qu'on a dans l'historiographie aujourd'hui, jusqu'à présent, et ce qu'on aura dans quelques années, ne sera pas exactement la même chose. On comprendra mieux la dynamique du chantier de ses débuts au milieu du XIIe siècle jusqu'à la continuité des constructions dans le XIIIe siècle. Dominique Garcia, sur ces travaux multiples et vraiment intéressants consacrés aux matériaux qui constituent Notre-Dame. On a insisté sur le fer, on peut parler du bois, de la pierre également, puisqu'il y a des éléments de pierre qu'on n'avait pas pu voir de la sorte depuis la construction de Notre-Dame. Et évidemment, ils étaient trop hauts, ils étaient cachés. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Oui, les architectures effondrées ont permis d'en connaître plus. Déjà sur le bois, on a pu identifier les différentes essences, en connaître les dates d'abattage des arbres, mais aussi du coup restituer l'environnement qui a permis aux constructeurs du Moyen-Âge de bâtir Notre-Dame de Paris. Donc on voit comment ces ressources en bois sont exploitées, comment elles sont acheminées, comment elles sont mises en œuvre. Donc ça, c'est important. On le voit aussi sur le matériau pierre. Ça a été une des premières études qui a été menée pour identifier les matériaux, essayer de reconnaître les carrières qui étaient exploitées, orienter aussi la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre pour les éléments de reconstruction. Donc tous ces éléments, effectivement, tous ces vestiges sont porteurs d'enseignement. Et aujourd'hui, la cathédrale est devenue un espace de dialogue. La leçon aussi à retenir de ce grand chantier, c'est que aucun site, aucun monument est éternel. Souvent, ce terme revient, bâtiment, ville, cathédrale, éternel. Aucun site est éternel. Il porte en lui sa propre histoire. Il y a un début, il y a une fin. Et que ce qui peut être éventuellement éternel, c'est l'étude et la meilleure conservation possible, c'est l'étude de ces édifices. Aujourd'hui Notre-Dame, mais demain d'autres bâtiments. Oui, l'étude qui peut être menée, elle peut être transmise et peut permettre de conserver l'histoire de ces bâtiments. La conserver. Là aujourd'hui à Notre-Dame, une étude systémique, globale de l'ensemble des matériaux, des sous-sols, des effondrements et des élévations, et demain sans doute une sorte de manuel, de modèle qu'il faudra dupliquer sur d'autres bâtiments avant les drames, avant les destructions. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces travaux-là aussi vont avoir leur rôle dans la reconstruction de Notre-Dame, puisque elle aussi mobilise de nombreux domaines de recherche, et parmi eux la recherche, et ça on s'y attend pas forcément autour des sons, cette recherche va jouer un rôle très important. Bonjour Céline Lozanne. Bonjour Antoine. Pour le reportage du jour, vous vous êtes rendu au laboratoire Jean Ronde à Lambert à Sorbonne Université pour comprendre comment l'acoustique est un outil précieux dans ce chantier de restauration. Et oui, ce laboratoire étudie Notre-Dame depuis une trentaine d'années dans sa dimension acoustique. Alors le principe, c'est de corréler les sons captés à la géométrie du lieu. Les mesures se font par des micros placés à des endroits stratégiques et avec ces données, on peut reproduire une copie virtuelle de l'architecture où l'on indexe les différentes tessitures des parois, des sols ou des vitraux, l'ensemble des textures sonores. Brian Katz, directeur de recherche au CNRS, avait déjà, avant l'incendie, conçu un modèle numérique pour les projets artistiques. Et aujourd'hui, ce modèle offre un éclairage complémentaire pour guider les architectes dans la restauration. Donc, on est dans l'Institut Jean Ronde d'Alembert, centré sur la mécanique fluide et de l'acoustique. Donc ici, on a notre salle de réalité virtuelle. On se trouve vraiment dans un studio. Oui, une salle que nous avons équipée avec une trentaine d'haut-parleurs pour être capable de simuler l'acoustique dans toutes les directions. On a une gamme de 18 caméras infrarouges. La géométrie de la salle est particulière, les murs ils sont tous traités. Oui, tous les murs sont traités avec des panneaux acoustiques assez épais pour étouffer la réverbère. Il n'y a pas beaucoup d'écho là. C'est ça. Et donc ces microphones, c'est ceux que vous avez utilisés notamment pour vos travaux, pour Notre-Dame? On a fait quelques exemples ici avec un chœur pour tester si notre simulation a les mêmes sonorités et les mêmes presque sentiments acoustiques que Notre-Dame. Donc c'est un chœur de chant polyphonique qu'ils ont déjà l'habitude de chanter à Notre-Dame et ils ont passé des expériences ici avec un système d'acoustique en temps réel sur lequel ils chantent. Et ils chantent comme ils sont à Notre-Dame. Et donc là, maintenant, on va pouvoir voir le résultat de vos travaux sur une simulation acoustique de Notre-Dame. On essaie. Donc les mesures qu'on a fait avant, c'était dans le cadre d'un projet scientifique artistique. Et moi, je copilote le groupe de travail sur l'acoustique, qui travaille sur l'acoustique, le paysage sonore, et même un peu de la musicologie autour de Notre-Dame pendant des siècles. Alors de quelle manière ces mesures acoustiques permettent de guider les architectes et les archéologues pour reconstruire au mieux l'intérieur de Notre-Dame dans son volume? Donc les mesures acoustiques qu'on a, c'est un peu comme un snapshot, une photo de l'état acoustique à ce point-là. Donc en parallèle, on crée un modèle 3D acoustique qui est vraiment un modèle de l'architecture avec tous les matériaux sur toutes les surfaces dans lesquelles on peut simuler les mesures et on essaie de calibrer ce modèle à partir des mesures. Avec ça, on a un modèle qui est fidèle, au moins qui peut reproduire l'acoustique qui correspond à la date qu'on a fait la calibration. C'est-à-dire que sur chaque surface, par exemple, on indexe une valeur acoustique? Tout à fait. On a les coefficients d'absorption, les coefficients de rugosité, un peu toutes les choses qu'on a en visuel. Les textures, quoi. Les textures. On a les textures sonores acoustiques de chaque matériau. Et dans le cas d'une restauration, on peut imaginer de remplacer certains matériaux ou la géométrie par des propositions d'après la rénovation, resimuler et recalculer les paramètres acoustiques et voir l'impact de certains choix. Donc, grandiosement, si on a remplacé les voutres en pierre avec un plafond plat en verre, qui était une des premières propositions que je me souviens quand il y avait la folie au début. Donc ça, on peut faire dans notre modèle et voir l'impact. Ah oui, c'est puissant. C'est-à-dire que sur votre ordinateur, vous pouvez vous rendre compte, varier les paramètres, les textures et se dire si on est... si on atteint quelque chose de convenable, de satisfaisant ou pas. Oui, c'est tout l'avantage du numérique et les modèles sur ordinateur. C'est après que ça existe, c'est très facile à déformer et modifier. Nous, donc ça peut être utilisé dans la restauration. Nous, on utilise aussi pour la recherche du passé. Donc l'acoustique, c'est vraiment un produit de tous ces éléments physiques et tactiles solides. Donc là, c'est une reconstitution virtuelle sur laquelle vous avez travaillé. Oui, c'est un concert enregistré sur place pour le 850e anniversaire de Notre-Dame. Il y avait une grande performance de la Vierge. C'était enregistré par les ingénieurs du son du CNSMDP avec une quarantaine de micros en place. Et nous, on a reconstruit le même concert en prenant toutes ces prises de son, en plaçant à la bon endroit dans la cathédrale. Et après, avec l'acoustique de cathédrale, on peut balader et vraiment écouter comment ça sonnait pendant le concert. C'est vrai que là, dans cette vidéo, on progresse dans différents endroits de la cathédrale et on sent le chant, le concert évoluer comme si on y était. Mais alors... avec quel type de capteur, de micro, vous arrivez à prendre vos mesures? Parce qu'on imagine que ce sont des... des microphones spéciaux, peut-être en 3D, vous le disiez. Donc on utilise des micros classiques, des omnidirectionnels. On utilise aussi des micros 3D qui sont plutôt dans le style d'ambisonic. Et comment ça se passe en pratique? Vous posez ces micros à des endroits stratégiques, vous les laissez tourner dans... Donc pour celle-ci, des musiciens étaient enregistrés avec les micros de proximité en essayant de capter seulement le bruit des musiciens et pas le retour de la salle. Avec notre mesure qui sont faites dans un autre temps, avec des haut-parleurs et des microphones, on construit la salle virtuelle dans laquelle on replace ces prises de son. Donc ça, c'est des projets aussi qu'on fait sur la restauration, c'est aussi sur la partie vulgarisation et artistique pour le grand public autour de Notre-Dame. Voilà pour ce reportage autour des recherches consacrées à l'acoustique qui vont être utiles à la reconstruction de Notre-Dame. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Maxime L'Héritier? C'est un des autres enjeux de l'ensemble du chantier scientifique. Là, on a entendu le groupe de travail acoustique, mais dans l'ensemble des groupes de travail, c'est effectivement cette coordination avec les besoins de la maîtrise d'œuvre, les besoins de la maîtrise d'ouvrage, et comment la façon dont les scientifiques peuvent mettre au service leurs connaissances de la restauration de l'édifice. Hein. On a étudié, par exemple, pour revenir au métal, le comportement mécanique des agrafes de fer dont on parlait pour savoir quel pourrait être leur rôle dans la future restauration de l'édifice. C'est ça, parce que Notre-Dame, c'est aussi tout un savoir-faire qui est certes médiéval, mais qui est totalement perdu et qu'il va falloir retrouver par tâtonnement. On parlait de la charpente tout à l'heure. Comment une charpente a pu tenir 800 ans? Ça n'existe plus, une charpente qui tient 800 ans. Donc comment on va faire? Je crois qu'on a déjà commencé à couper des bois. Voilà, même pour la flèche, il y avait beaucoup de questions sur la flèche, de savoir si c'était du bois vert, du bois, et bien voilà, du bois sec. Et les études qui ont été faites ont permis de montrer que c'était du bois vert. Comment se comportent ces structures en bois vert, puisqu'on sait qu'on taillait le bois vert et qu'il était mis en œuvre vert pour les charpentes médiévales et manifestement jusqu'au 19e siècle. Comment se comportent ces matériaux, ces structures une fois construites? Ça, c'est des choses qui peuvent être directement réinjectées dans la connaissance dont les architectes vont avoir besoin pour mieux restaurer l'édifice. Dominique Garcia, pour conclure, quel relais vous allez passer justement aux personnes qui vont reconstruire Notre-Dame, et est-ce que vous allez être présent à leur côté dans cette reconstruction-là? On l'est depuis l'origine. Hein. Tout à l'heure, on parlait de la fouille du transept, elle est liée directement pour donner des informations à la maîtrise d'œuvre pour pouvoir placer en sécurité l'échafaudage. Donc on a là des opérations archéologiques pleinement intégré dans le chantier de reconstruction et de restauration, qui le rassure, qui le renforce et qui lui donne une âme avant même que le chantier soit achevé. Donc c'est des sciences du patrimoine pleinement intégrées dans l'actuel. Eh ben écoutez, ça nous donne limite une émission deuxième émission. On fera après les fouilles et le passé, on fera le présent de Notre-Dame et sa reconstruction. Et puis on vous réinvitera. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, Maxime L'Héritier, Dominique Garcia, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour nous parler de ces fouilles vraiment passionnantes sur le chantier de Notre-Dame. Un immense merci à vous toutes et tous qui nous écoutez, qui êtes de plus en plus nombreuses à nous écouter tous les jours sur la méthode scientifique, mais aussi sur France Culture, disons que je bafouille. Sur France Culture, qui réalise une saison record. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur, évidemment, et ça récompense un travail d'équipe aussi. L'équipe de la méthode scientifique, c'est justement Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Amel Boucherka, Eve Etienne, Alexandra Delbo, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique aujourd'hui, c'était Audrey Guélil. On salue également au passage l'équipe d'enseignants en formation qui est venue nous rendre visite. J'espère que ça vous a plu. La méthode scientifique, c'est déjà fini, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France, et ça, c'est à l'infini ou presque.